Chapitre 13. C'est une impression bien étrange que celle du pavé sous le pied des recluses qui abandonnent leur asile. L'air frais, le mouvement du dehors, le bruit des voitures ne frappent peut-être pas aussi vivement l'esprit que ce contact brutal des pieds, qui n'ont connu que les dalles unies ou les parquets cirés, avec la pierre anguleuse des rues. Ariane marchait avec peine, et ses pieds délicats souffraient à chaque pas. C'était l'emblème de son existence. Elle devait ainsi se heurter à toutes les aspérités de la vie. Ses premiers jours chez Mme Sekourov furent cependant pour elle un bien-être inexprimable. Elle s'y sentait entourée d'une compassion réelle et efficace, et puis le chant divin, inépuisable, lui ouvrait le ciel pendant de longues heures, si bien que sa protectrice fut obligée de lui défendre de chanter au-delà d'un certain temps prescrit. Au fond de son âme, Ariane n'était pas malheureuse. Elle était bien loin de soupçonner la trame abominable qui avait fait d'elle une victime expiatoire. Elle se croyait renvoyée pour avoir manqué la classe le jour qu'elle avait trop chanté, et se trouvait beaucoup trop punie relativement à l'importance de sa faute. Elle attribuait cette sévérité aux machinations de la Grabinov. Mais depuis qu'elle vivait avec sa vieille amie, de la vie la plus retirée et la mieux employée, elle était presque tentée de remercier la méchante dame de classe qui lui avait ainsi épargné 8 mois de misère. Elle avait fait part de ses idées à Mme Sekourov, et celle-ci, tout en sentant qu'il faudrait bien instruire Ariane du motif qu'on avait donné à son expulsion, n'avait pas le courage de souffler sitôt sur la pureté native et l'ignorance de la jeune fille. Il serait toujours temps de lui apprendre de quoi le monde la soupçonnait. Ariane n'allait pas au conservatoire. La manière dont elle avait quitté l'institut lui fermait la porte de tous les établissements publics. Il fallait donc trouver un professeur de chant qui voulût se charger de cette éducation musicale. Il ne manque pas, dans le monde, de professeurs prêts à entreprendre une semblable tâche. Mais on ne peut pas confier une jeune fille à un maître sans discernement. Et la situation exceptionnelle d'Ariane rendait le choix de ce maître encore plus difficile. Madame Sekourov trouva cependant un artiste de premier ordre, d'une moralité irréprochable, assez honnête homme pour qu'aucune mère ne craignît de lui confier son enfant. Ce phénix était plusieurs fois embarqué dans l'entreprise ingrate de préparer pour la scène de superbes voix, sans rétribution aucune pendant la durée des études, mais en stipulant une récompense lorsque les études terminées auraient donné des résultats pécuniaires. Ce mode de règlement, très généreux en réalité, puisque sur tant de beaux talents qu'on présente au public chaque année dans les conservatoires, il en reste si peu dont le nom se fasse connaître, avait eu, à ce qu'il paraît, des résultats peu avantageux pour le professeur car il avait juré de ne plus s'y laisser prendre. Aux premières paroles de Mme Sekourov, il éclata. « Une belle voix, et parbleu ! Il y a 12 douzaines de belles voix. Vous êtes-vous figuré que c'était rare, et quelle péronnelle que ces demoiselles à belle voix ? J'en ai assez. C'est tant le cachet, n'en parlons plus. Mais, cher maître, écoutez-la seulement, insista Mme Sekourov. Quand vous l'aurez entendue, vous serez convaincu. C'est par Dieu bien possible. Je suis si bête. Voilà précisément pourquoi je ne veux pas l'entendre. Est-elle jolie ? Ravissante. Plutôt belle que jolie. Et faite à point pour la scène. Encore mieux. Vos jolies belles voix sont supportables. Il n'y a que les femmes laides à qui l'on puisse faire entendre en raison. Je n'en veux pas, vous dis-je. Comment s'appelle-t-elle ? Ariane. Un joli nom, n'est-ce pas ? Et qui ferait bien sur une affiche ? Une affiche, déjà, comme vous y allez. Est-elle grande ? Très grande et élégante. Quelle calamité que ces belles femmes ! Grommela le vieux professeur. Elles sont vaniteuses comme des paons. Quel âge a-t-elle ? 17 ans. 17 ans ! S'il y a du bon sens à commencer le chant à 17 ans. Trop tôt ? Trop tard. Que voulez-vous que je fasse avec une voix qui sans doute a pris de mauvaises habitudes ? Cher maître, elle n'a jamais chanté que la liturgie. Une bégueule alors, et vous me parlez de la faire entrer au théâtre ? Madame Sekourov se mit à rire. Allons, décidément, vous n'en voulez pas. Au moins n'en dites pas tant de mal sans la connaître. Il est convenu que lorsqu'on veut tuer son chien. Alors, grommela le professeur, un mezzo-soprano, avez-vous dit, un contralto. Tout en est plein de contralto en Russie, il n'y a que cela, je n'en veux pas. Quel jour faut-il que je vous l'amène ? Demanda la bonne dame qui voyait combien le maître grillait d'entendre Ariane. Eh bien, demain, 11 heures. Et surtout tâchez de ne pas être en retard. Ces jolies filles n'en finissent pas avec leur toilette. Radieuse, Mme Sekourov apporta la bonne nouvelle à sa protégée. Vous allez être admise à chanter devant Morini, dit-elle. C'est le premier professeur de chant du monde entier. Si vous lui plaisez, je ne doute pas qu'il ne se charge de vous. Mais il est quinteux. Soyez aussi simple que possible. Il aime la simplicité et n'ayez pas peur, car cela vous ferait chanter moins bien. Ariane se soumit à tous les conseils et à l'heure dite, elle se présenta chez le maître. C'était la première fois qu'elle se trouvait en présence d'un étranger, car depuis sa sortie de l'institut, elle n'avait vu les hommes que dans les rues. Le premier professeur de l'Europe devait être quelque chose de fulgurant et d'idéal. Grande fut sa surprise en trouvant un vieux petit homme qui ressemblait assez à un singe, mais un singe qui aurait eu des yeux noirs énormes, vivants, limpides et pleins d'expressions changeantes. Cet illustre professeur portait dans l'appartement un paletot d'été en drap noisette, éraillé sur les bords, auquel il manquait plusieurs boutons, et des pantoufles en tapisserie avec des têtes de nègres aux petits points, présents sans doute d'une élève bien intentionnée, mais peu experte en esthétique. « Chantez !» dit péremptoirement le maître, qui s'accota dans son fauteuil, croisa les jambes et prit son maigre genou gauche dans sa main droite. Au premier son, il se redressa, lâcha son genou, saisit les bras de son fauteuil et fixa ses yeux sur Ariane. Mais elle ne le voyait déjà plus. Elle était partie, comme disait en souriant Madame Sekourov. Son esprit était bien loin, bien haut au-dessus du petit salon de musique, si loin et si haut qu'elle n'avait plus peur. « Chantez autre chose, » dit le maître lorsqu'elle eut terminé sa vocalise. Ariane chanta l'hymne de l'offertoire. Les sons emplissaient la pièce, le piano vibrait en écho. Madame Sekourov écoutait, les mains jointes, sous l'empire irrésistible de cette voix merveilleuse. Soudain, le vieux professeur bondit de son fauteuil qui s'en alla frapper la muraille, prit la tête d'Ariane dans ses mains et l'embrassa au front avec une sorte de rage. « Quel artiste, mon Dieu, quel artiste! Mais elle ne sait pas chanter du tout. Tout est à faire, et tant mieux. Au moins, elle n'aura rien à oublier. Tu auras ta leçon 3 fois par semaine, ma fille, » dit-il à Ariane stupéfaite, « et tu seras une grande cantatrice. Tiens, écoute-moi ça. » Il bouscula Ariane qui ne lui faisait pas place assez vite. Et avec un art consommé, avec un goût irréprochable, il chantait de sa belle voix de baryton, trop affaibli pour la scène, mais puissante et riche dans l'appartement. Un air tiré d'un oratorio de Handel, « La fête d'Alexandre ».« Hein ? Qu'en dis-tu ? » fit le maître en quittant le piano. Ariane écoutait encore et sembla revenir avec peine à la réalité. « Je chanterai cela ? » dit-elle enfin. Le maître se mit à rire. « Non, pas cela, c'est un air pour les messieurs, mais tu en verras bien d'autres. Seulement, va à présent. Tu en as pour 2 ans à chanter sur tous les tons. » « Vous voulez donc bien de moi ?» murmura la jeune fille qui ne comprenait pas encore. « Parbleu, est-elle sotte ? Si je ne voulais pas de toi, est-ce que je me serais donné la peine de t'ébahir ? Et puis je ne tutoie que mes élèves, mais je les tutoie toutes, c'est plus commode. Petit serpent va, en a-t-elle du talent ? Quelle ingrate cela me fera ? Enfin, le monde est fait comme ça. » Madame Sekourov ramena Ariane encore éblouie comme stupéfiée. Les leçons commencèrent le lendemain. La jeune fille travailla avec une ardeur concentrée qui ne se traduisait point en ses excès de travail, toujours suivis de découragements qui sont en réalité un véritable gaspillage de temps et de force. Elle progressait d'une manière lente et sûre. L'exaltation de ses premiers essais avait fait place à une résolution sérieuse. Elle comprenait parfaitement que ses études lui faisaient contracter une dette qu'elle seule pouvait payer, et c'est avec l'effort sérieux d'une conscience honnête qu'elle suivait les leçons et se les appropriait. D'ailleurs, les gammes et les exercices de technique pure que lui faisait chanter son maître ne favorisaient point le développement de ses rêveries enthousiastes.